Ouais. Une rage de bâtard, assoupissé, je peux plus me taire. J'ai la colère qui monte en l'air, un mal dans mon atmosphère. Ça fait un bail que je suis perdu, plus de solution, aucune issue. Tout va très mal et j'ai la poisse collée au cul. Ça s'annonce mal, sûrement la fin sera brutale. Faut être prudent, préparer son testament. Une rage de bâtard, 23 piges toujours sur le terre-terre. Veux ma part du gâteau, quitte à finir au cimetière. Merde, rien n'est rose dans ma rue, à part que les dunes nous dirigent tous vers la morgue. Égaré dans ma galaxie, les larmes, les drames, les décès, trop de soucis, les mères qui pleurent au procès. Putain, c'est tragique, ne vois-tu pas que tout est flou? L'état nous pèse et nous force à porter le flingue. Une vie hardcore où les morts sont à la page. Regarde un peu les fêtes d'hiver au passage, y'a trop de rage. L'état s'arrange pour mettre en cage tous ces jeunes qui dérangent, qui nuisent dans les parages. Un carnage, une épidémie, on voit rouge. J'avais des rêves, j'y croyais grave, ils ont foiré. Le rap, mon moyen d'expression, la tumeur est intense et ne cesse de persister. Mon remède, c'est la feuille blanche, mon pic et mes pensées. J'persévère, je voulais le dire, mais à ma façon, je voulais le dire. Le rap, mon moyen d'expression, la tumeur est intense et ne cesse de persister. Mon remède, c'est la feuille blanche, mon pic et mes pensées. J'persévère, je voulais le dire, mais à ma façon. Mon ghetto respire notre âme, recrache notre âme. C'est pour ça que sans prétention, cette compile sera son patrimoine. Fais pas l'animal, repense au cocon familial. Chèque, faut prendre des thunes, mais ne chourre pas par habitude. Le bis c'est dur, le taf c'est rare, la rue ça saoule. Ici on s'endure et certains baissent les bras. Aucune gold ni de master, ici y'a que des escarts. Fais grave gare à toi car les keufs nous regardent. Et fort les ricades de gros MC qui cogitent à en mourir, qui pensent à le dire. On t'aime Karim. Sur le crack, ces trois types qui ont grandi dans le ciment. Avec des 16 ans, l'envie de remplir des sacs et se barrer de l'Occident. Le décor chaotique laisse KO certains de mes potes qui jadis vivaient tous pour le fric. Le hic, c'est qu'on fait plein de talents cachés. Malgré nos talents cachés, feignant, on pense qu'à brasser l'enfer, un putain de brasé. Qu'on pense même pas frôler malgré nos nombreux péchés. Se repentir pour moi reste une bête idée. Je vais le dire. Même à bout de souffle, notre état d'âme n'est pas de faire de l'esbrouf. On persévère malgré les frères dans le gouffre. VR Pops, Big. Un pushka dans la jugore, un rap 100% hardcore, on kick dans notre mauvais sort. Je vais le dire. Le rap, mon moyen d'expression, la tumeur est intense et ne cesse de persister. Mon remède, c'est la feuille blanche, mon pic et mes pensées. J'persévère, je voulais le dire, mais à ma façon, je voulais le dire. Le rap, mon moyen d'expression, la tumeur est intense et ne cesse de persister. Mon remède, c'est la feuille blanche, mon pic et mes pensées. J'persévère, je voulais le dire, mais à ma façon. Toujours la même merde, mec, chaque jour on perd de l'espoir. Je voulais le dire, mais putain de décor, les houles et les squares. Je sais à quoi t'attendre, quand au rap, on va rien t'apprendre. Mais on va pas t'attendre, j'ai trop la haine, on va pas t'entendre. Patrimoine du ghetto, état d'âme et bigou. Respire quand je pose fausse terre comme au comico. C'est sans commentaire, ça s'allume dans nos cartels. Du shit dans l'OCB, c'est ce qu'on fume sur le terre-terre. État d'âme, c'est dangereux. Ouais, on joue franc jeu, pas de mytho dans nos textes, mec, c'est pas un jeu. Dont on poste, c'est pop, gros, pour les autres, c'est Sergio. 93 barjo, comme dirait mon pote So, j'en place une pour 9-1. La violence, les rigs, c'est les descentes. Kamikaze record et ces mecs sombres. Tout le monde court après le fric, on revendique l'Afrique. Bien sûr qu'on n'aime pas les flics, ma gueule demande à Rafi. Je vais le dire, le rap, mon moyen d'expression. La tumeur est intense et ne cesse de persister. Mon remède, c'est la feuille blanche, mon pic et mes pensées. J'persévère, je voulais le dire, mais à ma façon, je voulais le dire. Le rap, mon moyen d'expression, la tumeur est intense et ne cesse de persister. Mon remède, c'est la feuille blanche, mon pic et mes pensées. J'persévère, je voulais le dire, mais à ma façon. Hey, là, ça vient d'Aubert, poteau. Et ta dame, VR6 Pops. Et mon petit frère, Bigou. Oui. Tu croyais quoi qu'il n'y avait pas de pura sur Aubert? Je t'ai trompé mon pote. Ouais, on voulait le dire.